bonjour à tous, vous êtes sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des nouvelles idées et innovations du Web 2.0. Aujourd'hui, dans ce premier numéro, nous allons parler des réseaux sociaux, de podcasts, de MMORPG et de musique. Et si on parlait ? Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais le site etsionparlait.com fera bientôt partie de la grande famille des réseaux sociaux qui composent le web 2.0. Basé sur un système de badge très prometteur, ce nouveau projet, s'il est bien mis en place, pourra certainement s'installer sans difficulté dans le milieu des réseaux sociaux français. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le blog officiel à l'adresse www.etsionparlait.com. De plus, le lancement de ce projet est prévu vendredi 16 octobre avec une ouverture dans la région de Lyon. Donc si vous êtes lyonnais, il ne vous reste plus que très peu de temps pour en parler autour de vous et faire le buzz. Ouverta Online, c'est un MMORPG 3D gratuit créé par des jeunes passionnés. Son développement a commencé en avril 2007 sous le nom de War of Chatris, je ne sais pas si je le prononce bien, et après de nombreux changements de moteur 3D et des difficultés liées à la programmation, ce projet s'approche de sa sortie officielle. Le jeu prend en effet depuis près d'un an maintenant une certaine ampleur avec la sortie de la pré-alpha en avril 2009. Et l'ouverture de leur site officiel qui leur a permis de constituer une véritable communauté de fans. Donc je vous laisse visiter leur site officiel à l'adresse www.ouverta.fr et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. On enchaîne tout de suite avec Financimo. Si vous êtes fan de Mac, vous connaissez sûrement MacJT, devenu récemment We Love MacJT. Et bien Mathieu Blanco, le créateur de ce podcast, arrive avec un tout nouveau bébé nommé Financimo.net. C'est un podcast qui parlera de finance et d'immobilier, comme son nom l'indique, et qui débutera courant octobre 2009, durant cette semaine même. Donc deux experts participants à cette émission sont Serge Leb pour la partie financière et Claude Hébert pour la partie immobilière. Et avec Mathieu Blanco aux commandes, on peut déjà être assuré d'un résultat à la hauteur de nos attentes. Le site du podcast est www.financimo.net. Et pour finir, je voudrais vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Il s'appelle Freezik. Et ce projet part du principe qui est de se dire où peut-on trouver un large choix de musique libre de droit et de qualité. Donc voilà la question que s'est posée Dark King, le créateur du site Freezik. Il n'existe en réalité que très petites francophones qui font cela à l'heure actuelle. Et c'est donc de ce constat qu'est né Freezik. Répertorier tous les artistes qui font de la musique, de qualité et libre de droit sur un site où quiconque pourra écouter, voter et créer ses propres listes de lecture. C'est en effet l'idée de base de ce projet. Voilà les propos du créateur du site. En fait, je vois ce projet comme une médiathèque libre. Toutes les musiques auront une licence Creative Commons libre de diffusion. Et chacun pourra apporter sa pierre en proposant des nouveaux groupes. Ce site avance à grands pas. Et je vous recommande fortement d'aller y jeter un coup d'œil sur www.freezik.fr. Voilà, c'est déjà fini pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain avec encore plein de nouveaux projets du web. Ciao à tous.